aujourd'hui dans Affaires Sensibles l'histoire d'un scandale qui ne fait que commencer, les pesticides et leurs victimes. D'où cette rediffusion de l'émission que nous avions diffusée en mars 2017 sur le combat de Paul François et que nous éclairerons aujourd'hui, et comme d'habitude, avec un nouvel invité en direct. Deux actualités expliquent ce choix. La victoire juridique d'un jardinier américain contre Monsanto, mais aussi la mort, le 7 septembre dernier, de l'ouvrier agricole argentin Fabien Tomasi, victime du glyphosate qu'il était chargé de déposer sur les cultures de soja. Depuis plus de 50 ans, nos campagnes sont dopées, shootées à ces produits chimiques que les industriels fabricants appellent produits phytosanitaires, histoire de noyer le poisson. En Europe, la France est la championne. En 2014, notre pays a consommé au moins 60 000 tonnes de pesticides, soit 9% de plus que l'année précédente. Une progression constante, malgré les alertes et les études qui tirent la sonnette d'alarme et qui établissent une corrélation entre l'utilisation de tous ces pesticides et autres herbicides et la recrudescence de certains cancers et autres maladies neurologiques. Chaque année, dans les campagnes françaises, on enterre, oui, en silence, des exploitants, souvent jeunes, atteints de Parkinson, leucémie, myélome, cancer de la vessie. Mais des victimes vivantes se battent. Parmi elles, Paul François, agriculteur de Charente, qui depuis de longues années mène une bataille contre Monsanto, coupable, selon lui, de l'avoir intoxiqué. C'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Tout au long du récit, vous entendrez des extraits de documentaires qui se sont penchés sur la question, dont celui emblématique de Marie-Monique Robin, auteur de « Notre poison quotidien » diffusé sur Arte, et celui d'Éric Guéret, « La mort est dans le pré » diffusé sur France 2, ainsi que le documentaire radiophonique de Pascal Hiérault intitulé « Le procès » diffusé sur France Culture. Notre invitée donc aujourd'hui, Émilie Gaillard, enseignante en droit privé à Sciences Po Rennes, auteure notamment de l'ouvrage intitulé « Vers un droit des générations futures ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. le 17 janvier 2010, Ruffec. Dans cette commune de Charente, située au milieu des champs de maïs, avec leur compagne ou épouse, 30 agriculteurs se retrouvent dans une salle de l'hôtel L'Escargot. Ils s'appellent Dominique, Yannick, Paul. Ils sont tous âgés de moins de 50 ans et ils sont tous malades. Comme beaucoup de paysans de France, et d'ailleurs, ils sont les héritiers de l'agriculture intensive et chimique. Au lendemain de la guerre, sous l'influence des ministères et des coopératives agricoles, leurs pères coupent les haies, rationalisent leurs champs et généralisent la monoculture. Ils investissent dans les tracteurs, les moissonneuses-batteuses et la chimie. Pour contrôler la terre et le temps, ils acceptent l'aide des pesticides qu'ils déversent sur leurs cultures, dans leurs vergers ou sur les pieds de leurs vignes. Est-ce dangereux pour leur santé et pour celle des consommateurs? Pendant des années, ils sont peu nombreux à se poser cette question. 50 ans après, les pesticides rongent la terre et les corps. Parmi ces agriculteurs, il y a Yannick Chenet. En 1989, à 21 ans, il reprend la ferme familiale où il cultive des céréales et du vin. Les pesticides ont toujours fait partie de son quotidien, de son environnement. Personne ne lui a dit de se protéger les mains, le visage ou d'éviter de retourner sur les champs après l'épandage. Mais en 2002, en rentrant de vacances, Yannick se sent fatigué. Il voit son médecin, une prise de sang est effectuée, puis tout s'accélère. Le vendredi, il entre aux urgences de Royan. Le lundi, on le transfère à Poitiers. Le mercredi, il entame sa chimio. À 37 ans, Yannick est atteint d'une leucémie aiguë. 8 ans plus tard, le visage gonflé, les yeux rougis, il raconte son quotidien. Moi c'est Yannick, je suis agriculteur à Saujon. Notre poison quotidien. Un documentaire réalisé par Marie-Monique Robin. Je suis tombé malade en octobre 2002. J'ai contracté une leucémie aiguë, myéloïde de type 4. Aujourd'hui, donc en 2003, ils m'ont fait une greffe de moelle osseuse qui a bien fonctionné au CHU de Poitiers. Et par contre, aujourd'hui, j'ai toujours la réaction du greffon contre moi. C'est-à-dire la greffe. La personne qui m'a donné sa moelle osseuse n'était pas compatible à 100% avec moi. Et la greffe réagit contre mon corps. Aujourd'hui, j'ai des problèmes sur la peau et sur les tendons, rétraction des tendons et sclérodermie de la peau. Sécheresse des yeux et plein d'autres problèmes. Tour à tour, chacun prend la parole, raconte son exploitation, son amour pour ce métier, puis l'apparition de la maladie, les procédures médicales et judiciaires en cours. À Ruffec, ce jour-là, à travers ses voix et ses histoires, c'est tout un pan de l'agriculture française qui se dévoile. Ils sont venus de Creuse, du Cher, du Languedoc-Roussillon, des Vosges ou encore du centre de la France, comme Jean-Marie Dédion, qui exploite une ferme de polyculture à dominante maïs. En 2001, en se hissant sur son tracteur, son numérus droit se fracture d'un coup, oui, sans raison. Dans la journée, on l'hospitalise d'urgence. Diagnostic, il est victime d'un myélome, un cancer de la moelle osseuse. En général, ce type de maladie apparaît dans les cas les plus précoces vers l'âge de 60 ans. Jean-Marie Dédion en a 20 de moins. Dominique Marchal, lui, a fait le déplacement des Vosges. Il souffre d'un syndrome myéloprolifératif, une forme de cancer du sang. Il a 44 ans quand il diagnostique ce mal. Cette maladie est liée à l'exposition au benzène, une molécule dont l'usage est très réglementé. Selon la Mutuelle Sociale Agricole, voilà des années qu'il n'est plus présent dans les produits. Pourtant, lorsqu'il entreprend des analyses sur les substances qu'il utilise, une quinzaine contiennent du benzène. Il y a donc les maladies longues, celles qui s'infiltrent à petite dose, consumant l'organisme à petit feu. Et puis il y a les maladies dues à un accident, comme ce fut le cas pour Gilbert Vendée. En 98, j'ai inhalé du gauchou, toute une journée. Le soir, donc j'ai été malade, le médecin est venu, et je rendais tout ça, donc il m'a fait un papier comme quoi que j'avais inhalé du gauchou. Notre poison quotidien, un documentaire réalisé par Marie-Monique Robin. Et en 2002, donc, je suis allé voir une neurologue en médecine nucléaire à Tours, et qui m'a dit, vous avez la maladie de Parkinson. Et elle, carrément, elle m'a dit comme ça, ça peut venir des pesticides que vous avez inhalés. Lors de cette rencontre, initiée par François Veillerette, ancien président de Greenpeace France, il y a Paul François et son avocat François Laforgue. Il est sans doute le seul dont tout le monde a déjà entendu parler grâce aux articles et reportages télévisés sur son combat contre Monsanto. Sa ferme est située à quelques kilomètres à Berdac. Installé sur une exploitation de 240 hectares, il cultive du blé, du maïs et du colza. Et tout va bien jusqu'au 27 avril 2004. Comme souvent ce jour-là, Paul François pulvérise ses champs de maïs avec du lasso, un puissant herbicide fabriqué par la firme américaine Monsanto. À l'époque, il ne sait sans doute rien de l'histoire de cette multinationale qui a fait fortune en vendant des produits chimiques pour la fabrication d'explosifs et de gaz de combat pendant la Première Guerre mondiale. Il ne connaît sans doute pas le rôle de cette entreprise dans la guerre du Vietnam et comment elle est devenue l'un des leaders des OGM et de la production de pesticides. Monsanto, Lasso, ne sont que des noms dont il ne se méfie pas. Après un épandage, logiquement, un système automatique permet de nettoyer le pulvérisateur. Alors, à la fin de cette journée du 27 avril 2004, sans crainte, Paul ouvre le couvercle de la cuve pour vérifier si tout est propre. Sauf que ce jour-là, le nettoyage ne se passe pas comme prévu. Des vapeurs s'échappent de la cuve. Chauffés par le soleil, les résidus de la sauce se sont transformés en gaz. Et au moment où je l'ai inhalé, j'ai senti une sensation de chaleur dans tout le corps. Je sens cette décharge dans le corps. Donc j'ai laissé l'appareil où il était, je suis rentré chez moi. Bon, les consignes hein, dans ce genre de problème, c'est de prendre une douche. C'est ce que j'ai fait. Et puis je me suis dit, bon, ça va passer, je me suis allongé. Mais je sentais bien que j'avais une fatigue et puis une sensation d'endormissement. Sa femme l'emmène alors à l'hôpital. Paul François crache du sang, titube et tombe dans le coma pendant plusieurs jours. Quand il se réveille, il ne se souvient de rien et souffre de bégaiement. Bien que cette crise se soit déroulée quelques heures après l'ouverture de la cuve où se trouvait du lasso, aucun prélèvement sanguin et urinaire n'était effectué. Et peu à peu, son état se stabilise. Il sort de l'hôpital. Au bout de quelques semaines, malgré les vertiges, il reprend son travail. Quelques mois plus tard, ses deux filles le retrouvent chez lui, dans le coma. J'ai été hospitalisé dans la nuit en urgence à l'hôpital. Alors là, effectivement, beaucoup d'examens. Et de dire, les examens ne montrent rien. Et tout de suite, de dire, oui, mais comme il est surmené, qu'il est très fatigué, il faut d'abord qu'il ait du repos. Alors ça, c'est vrai qu'on m'a, je n'avais jamais passé autant de temps à me reposer. J'étais effectivement très fatigué. J'avais perdu pas loin de 10 kilos. Et puis, je perdais connaissance brutalement. Ça devenait des comas plus ou moins profonds. Tout au long de l'année 2005, sa vie est rythmée par les hospitalisations et par les comas à répétition. De quel mal souffre-t-il? Les médecins parlent de dépression, de maladie mentale. Tout est étudié, ou presque. De son côté, Paul-François tente d'entrer en contact avec le fabricant du lasso, Monsanto. Il passe par la coopérative agricole. Après plusieurs relances, un responsable de la société américaine en France joint le couple François. Selon les dires de ce responsable, il n'y a aucun antécédent d'intoxication au lasso, mais il sous-entend néanmoins que l'entreprise pourrait imaginer une compensation financière si le couple se refusait à toute attaque judiciaire contre la firme. Étrange. Quelques semaines plus tard, Paul-François est au téléphone avec le médecin responsable en toxicologie de Monsanto aux États-Unis, à Saint-Louis. Même son cloche, le lasso n'est pas coupable, selon le représentant américain. Dans le même temps, Paul et sa famille sollicitent un toxicologue réputé du CNRS, André Picot. Celui-ci entreprend l'analyse du lasso pour connaître avec précision la composition de l'herbicide. Surprise, il découvre 0,2% de chlorométhylester de l'acide acétique. Dans le même temps, en février 2005, pour la première fois, un prélèvement urinaire est réalisé. 10 mois après l'accident, on constate alors un pic d'excrétion du chlorophénol, le principal métabolite du chlorobenzène. Grâce à ces analyses, André Picot préconise un traitement contre l'empoisonnement. Et peu à peu, Paul-François retrouve des forces. Alors, le lasso, l'herbicide de Monsanto, peut-il être responsable de son état de santé ? Il le pense et décide de demander justice. Je prends un avocat qui me dit « Mais moi, j'ai des contacts avec certains médecins qui pourront nous aider pour cette reconnaissance. » Ce qui l'a surpris, c'est que les premiers médecins responsables de service dans les hôpitaux, quand ils lui parlaient du produit qu'ils disaient « C'est Monsanto qui l'a fabriqué », deux lui ont dit « Attends, nous, on ne veut pas être embêtés. » Très vite, je commence à me poser des questions parce que, en faisant un travail d'investigation, je découvre d'une part que ce produit, le lasso fabriqué par Monsanto, donc homologué en 1967, a commencé à être remis en question sur sa toxicité dès le début des années 80 par certains pays. Je prends pour exemple le Canada, qui a interdit l'utilisation de ce produit dès 1985. Je découvre aussi que des pays comme la Belgique et certains États américains l'ont interdit dès le début des années 90. Et je commence à comprendre que cette firme est capable de fabriquer des molécules et n'a pas beaucoup de scrupules pour l'environnement et puis pour la santé humaine, tout simplement. Effectivement, comment expliquer que ce produit soit interdit au Canada et en Belgique, mais toujours autorisé en France ? En 2007, Paul-François décide de lancer deux procédures. L'une contre la Mutualité Agricole, l'autre contre Monsanto. Cette année-là, 39 ans après sa mise sur le marché français, le lasso est interdit par l'Union Européenne. Alors qu'il est considéré comme dangereux, le ministère de l'Agriculture annonce pourtant un délai de distribution jusqu'au 31 décembre 2007 pour permettre à la société d'écouler ses stocks au sein des coopératives agricoles. Mais en novembre 2008, le vent tourne. Le tribunal des affaires de sécurité sociale donne raison à l'agriculteur français. Il décrète que la rechute déclarée du 29 novembre 2004 est directement liée à l'accident du travail du 27 avril de la même année et qu'il doit être pris en charge. Contestée, cette décision est confirmée en janvier 2010 par le tribunal de Bordeaux. Quelques jours plus tard, Paul-François réagit devant la caméra de France 3. Si les firmes nous mentent, si on utilise des produits beaucoup plus dangereux qu'on nous le dit, il y a tromperie. Pour moi, il y a tromperie pour les agriculteurs. Et puis, il faudra bien en parler. Toutes les personnes qui ont homologué les produits, les services de l'État qui ont homologué ces produits, je voudrais bien savoir quel rôle ils ont joué et quel rôle ils jouent encore aujourd'hui. Il s'agit tout de même d'une première victoire. Désormais, c'est Monsanto qu'il faut mettre face à ses contradictions et ses défauts d'information. D'autant que de nouveaux agriculteurs tombent malades. C'est le cas de Frédéric Ferrand, un viticulteur de 40 ans. En 2010, il trouve du sang dans ses urines. Après les analyses, son médecin lui dit « Vous avez la maladie des viticulteurs ». Autrement dit, cancer de la vessie, stade 4. Dans les vignes, le mal qui s'attaque aux feuilles s'appelle le mildiou. Pour y faire face, Frédéric utilise du folpel et du phosphatyl d'alumine. Pendant des années, il les manipule sans masque, à main nue. Sur les étiquettes, il n'y avait rien de marqué, même pas qu'on devait mettre des gants, dira-t-il plus tard. Est-ce la raison de ce cancer ? Il le pense. Alors, comme pour les autres exploitants malades, la bataille s'organise sur deux fronts, celle du corps avec le soutien de la médecine et celle de la justice avec l'aide des avocats. Ne pouvant plus travailler pleinement au sein de leurs exploitations, ces paysans se tournent alors vers la mutualité agricole pour faire reconnaître leur pathologie en maladie professionnelle. Mais la démarche est longue, compliquée. Entre 2002 et 2010, la Sécurité sociale agricole n'a admis que 47 maladies professionnelles de ce type. Beaucoup de dossiers sont rejetés. Mais enfin, de quoi ces exploitants sont-ils coupables, sinon d'avoir fait confiance à des produits autorisés et préconisés par des autorités compétentes ? Est-ce que les éléments présentés par les industriels pour son homologation suffisent à mesurer le degré de dangerosité ? Pour répondre à ces questions, on peut citer un article du journal Le Monde publié en juin dernier qui recense les résultats d'un rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. On apprend par exemple que les scénarios idéaux imaginés par les industriels ne sont en aucun cas le reflet de la situation, notamment au sujet des équipements de protection. En résumé, les études se basent sur des éléments faussés ou, du moins, ne prennent pas en considération l'ensemble des situations et donc des risques. A-t-on informé les agriculteurs comme les consommateurs de la dangerosité de ces produits ? Non. Pire, les multinationales dont Monsanto ont parfois travesti la vérité et ont été condamnées pour des publicités dites « mensongères », notamment celle du Roundup, dont vous avez sans doute vu le spot à la télé dans les années 90. Si comme Rex, vous détestez les mauvaises herbes dans votre jardin, voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre, ni l'os de Rex. Roundup, le premier désherbant qui donne envie de désherber. Roundup ne pollue ni la terre, ni l'os de Rex. Pourtant, en 1996, alors que le spot est diffusé en France, le procureur de New York condamne Monsanto à une amende de 500 000 dollars et au retrait des mentions, jugées mensongères. En France, il faut attendre l'année 2007, soit 20 ans, pour que Monsanto soit condamné pour les mêmes motifs. La firme américaine n'en est pas à son premier scandale, et désormais, de nombreuses études et associations alertent l'opinion sur les risques de ces produits, dont le Roundup, à base de glyphosate, qui serait potentiellement responsable de malformations fœtales. Quand Paul-François décide de s'attaquer à Monsanto, il sait désormais qu'il s'agit de l'une des plus puissantes multinationales du monde, présente, influente sur les 5 continents, autant dans les couloirs des ministères que sur les places financières. Pourtant, il tient tête, pour lui et pour ceux qui n'ont pas pu vaincre la maladie. En janvier 2011, c'est Yannick Chenet, présent à Rifec un an plus tôt, et donc vous avez entendu les mots au début de ce récit qui succombe à la maladie. Il avait 43 ans. Même si sa leucémie a été reconnue comme maladie professionnelle par la Mutualité Sociale Agricole, aucun produit spécifique n'a été clairement défini comme responsable. Autrement dit, une victime, pas de coupable. Quelques semaines plus tard, le 19 mars, les agriculteurs se retrouvent une nouvelle fois à Ruffec, où ils lancent un appel et fondent une association de défense des victimes des pesticides, l'association Phyto-Victimes. Parmi les paysans présents, le viticulteur Frédéric Ferrand est là. Son cancer de la vessie est stable. Devant les journalistes, il raconte son histoire. Et il dit « On a été formaté à brevet de produits phytosanitaires. » Depuis le lycée agricole, on m'a dit « les engrais font pousser ». Fini le malheureux sulfate de cuivre pour braver le mildiou, la chimie de synthèse. C'était miraculeux. On y croyait dur comme fer. Quelques mois plus tard, en novembre, le médecin livre son verdict. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une reprise de la maladie au niveau osseux. La mort est dans le pré. Un documentaire réalisé par Éric Guéret. Toute la zone qui a été grignotée de l'os s'est agrandie. C'est-à-dire que le trou s'est agrandi, ce qui veut dire qu'il reste des cellules cancéreuses actives à ce niveau-là. Donc on a une reprise évolutive de la maladie au niveau osseux. Donc il va falloir qu'on rediscute pour reprendre un traitement et probablement à base de chimiothérapie parce qu'on n'a pas 36 solutions. Mais on n'a pas vraiment d'espoir de tout stériliser. Sur le plan professionnel, vous ne pouvez plus travailler, monsieur Ferrand. Mais je voulais vous poser une question. Oui. Quelles sont mes chances de survie ? Le 11 décembre 2011, Frédéric Ferrand meurt d'un cancer de la vessie. Il avait 41 ans. Il était père de deux jeunes enfants. Paul-François l'apprend le lendemain, rentrant à Lyon où il a témoigné contre Monsanto. Accompagné de sa femme et de ses deux filles, il est venu dire qu'il n'accepte pas que sur l'étiquette du produit qu'il a utilisé en 2004, il n'y ait aucune mention ni du chlorobenzène, ni de l'alacor, et encore moins de leur danger. La justice lui donnera-t-il raison ? Et Monsanto sera-t-il condamné ? Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Don't you know, talking about a revolution sounds dismal. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. But a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. L'origine de l'affaire, un céréalier de 47 ans, Paul François, il poursuivait Monsanto pour avoir été intoxiqué après avoir inhalé du lasso, un désherbant aujourd'hui interdit. C'est un agriculteur de Bernac en Charente, c'était en 2004. Aujourd'hui âgé de 48 ans et invalide, il avait reçu au visage des vapeurs en ouvrant la cuve d'un pulvérisateur fabriqué par le leader mondial de l'agrochimie. Paul François a subi de graves troubles neurologiques et il se bat pour faire reconnaître en France la toxicité de ses produits. Notre actualité de la journée, c'est donc l'attente de cette décision de justice aujourd'hui à Lyon concernant le procès qui oppose Paul François, un agriculteur charentais, à la firme Monsanto. Le 13 février 2012, Monsanto est jugé responsable du préjudice de Paul François suite à l'inhalation du produit Lasso. Le 27 avril 2004, le tribunal condamne Monsanto à indemniser entièrement Paul François de son préjudice. Le jour même, la multinationale décide de faire appel. Et elle a le temps, et elle a l'argent pour ça. À la sortie du tribunal, l'avocat de Monsanto, Jean-Philippe Delsart, s'en explique au micro de France 3. Il n'y a pas de preuve de l'inhalation par M. François du produit en cause et il n'y a pas de preuve de relation de cause à effet entre ce produit et les séquelles qu'il présente. C'est voilà. Tout inventé, selon vous, non ? C'est pas tout inventé. Il est sûrement malade, mais ce n'est pas la faute du lasso et en tous les cas, ce n'est pas prouvé. Le combat se poursuit donc, lentement. En mai 2015, enfin, les plaidoiries ont lieu. Au sein de la famille François et parmi ses amis, les doutes s'installent. Et si Monsanto gagnait ? Et si une nouvelle fois les multinationales s'en sortaient à coup de pression ? Le 10 septembre 2015, Paul François se rend à Paris pour attendre la décision de la Cour d'appel de Lyon en compagnie de son avocat. Le téléphone sonne. Victoire. Après 8 ans de procédure judiciaire, Monsanto est reconnu responsable de son intoxication. Voilà. 8 années à s'interroger, à prouver, à expliquer, à tenir bon face aux pressions. Devant la caméra, Paul François parle d'une décision historique. Oui, je crois qu'elle est historique. Je crois vraiment qu'elle est historique parce que il me semble que c'est la première fois qu'un individu ose attaquer cette firme et gagne, quoi. Et les fasse condamner. J'aimerais bien aussi que, avec cette décision, le monde syndical agricole prenne en main ce sujet des pesticides. Il faut réagir, parce que ce sujet, il nous appartient à nous, utilisateurs. Il faut vraiment réagir. J'imagine que si Monsanto a été capable de commercialiser un produit dangereux pour nous, j'imagine qu'il y a d'autres produits et qu'il y a d'autres firmes qui le font aussi. Le soir même, Monsanto se pourvoit en cassation. La décision est attendue dans le courant de l'année 2017. Les multinationales jouent la montre, l'usure, comme d'habitude. Mais quoi qu'il en soit, cette décision de justice brise une partie de l'omerta qui entoure ces questions. Dans les campagnes françaises, ils sont de plus en plus nombreux à sortir de leur silence, à raconter le mal qui les ronge et à pointer du doigt les multinationales, les pesticides, mais aussi les autorités nationales qui ont poussé pendant des années à l'utilisation massive de ces produits sans effectuer le travail de prévention et d'information nécessaire. La lutte contre cette agriculture gorgée de pesticides s'organise non seulement en France, mais partout dans le monde. En octobre 2016, à La Haye s'ouvre un procès symbolique médiatique contre Monsanto, accusé par des associations de crimes contre l'humanité et d'écocide. Organisé par un réseau associatif et militant, ces organisations accusent l'entreprise de commercialiser des produits toxiques qui, selon eux, ont causé la mort de milliers de personnes, comme le glyphosate ou encore l'agent orange, un herbicide pulvérisé par avion au-dessus des forêts par l'armée américaine durant la guerre du Vietnam. Dans la salle, ils sont 20 plaignants venus d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et d'Europe. À la barre, 30 témoins experts des 5 continents prennent la parole. Parmi eux, on reconnaît Paul François qui vient raconter son histoire, son quotidien et son long combat contre l'entreprise. Puis on découvre d'autres histoires, non pas d'exploitants, mais de particuliers. Oui, dont cette femme, Sabine Grataloup, venue avec des photos de son fils, Théo. Ces photos sont celles d'un petit garçon. Un petit garçon qui s'appelle Théo et qui est mon fils. Il est né il y a 9 ans maintenant. Il est né avec des malformations, en particulier une atrésie de l'œsophage, c'est-à-dire que son œsophage ne descendait pas jusqu'à son estomac. Quand nous avons demandé aux chirurgiens d'où pouvaient venir ces malformations, ils nous ont dit que les seules études disponibles à l'époque pointaient vers une implication des pesticides. Un an après, je me suis retrouvée à faire en fait ce que je faisais tous les ans, c'est-à-dire que chez nous, nous avons une carrière d'équitation, nous avons des chevaux à la maison, c'est notre métier, et sur lequel chaque été, je passais un désherbant à base de glyphosate. J'ai pris conscience que tous les ans, et donc forcément au début de ma grossesse, j'avais passé ce désherbant à base de glyphosate sur la carrière d'équitation. Mon enfant a été exposé à une forte dose de désherbant à base de glyphosate à la 3e et 4e semaine de grossesse. Et il se trouve que c'est à cette période-là que l'œsophage et la trachée se forment chez le fœtus. C'est ce que les toxicologues m'ont dit appeler l'effet fenêtre, c'est-à-dire une intoxication forte à un moment qui est crucial pour le développement du fœtus. À La Haye, d'autres mères ont fait le déplacement. Parmi elles, Maria Ruiz Robledo, qui habite dans un petit bourg de la province de Buenos Aires. Elle aussi a un enfant, Martina, victime de cette même maladie. Au nord, les victimes luttent avec l'aide des médecins et le soutien des systèmes de santé. Au sud, ils sont souvent abandonnés. Au Brésil, selon le chercheur Marcelo Firpo, le ministre de la Santé estime que plus de 400 000 personnes sont contaminées par les pesticides chaque année. 62 000 ont été victimes d'empoisonnement aigu, rien qu'en 1999. Il y a plus de 60 ans, le monde de l'agriculture a fait sa révolution aveugle. Monoculture, industrialisation, chimie. Lorsqu'on voit des images d'agriculteurs pulvérisant leurs champs, habillés de la tête aux pieds comme des travailleurs de laboratoire ou du nucléaire, on se dit que s'il faut autant se protéger, c'est que les produits utilisés sont bel et bien dangereux, effrayants même. La santé des hommes et de la terre en paie désormais le prix, comme Paul François l'indiquait dans l'émission Interception de France Inter en 2014. Je suis à la fois j'ai les conséquences de mon accident avec des problèmes de santé, et on me stigmatise parce que je suis un paysan pollueur. Et moi, j'estime avoir de la chance, parce que je suis là et je vous parle. Et je suis ému parce que je pense aux copains qui ne sont plus là. Je pense à Yannick, je pense à Frédéric et puis plein d'autres qui ne sont plus là. Yannick Chenet, sur son lit d'hôpital, il m'a dit « Mais tu crois, Paul, que c'est mes produits qui m'ont empoisonné ?» Et je dis « Mais Yannick, oui, parce que... » Enfin, je ne sais pas, mais en tous les cas, tu as été reconnu maladie professionnelle, alors tu sais... Bon, et quelques minutes après, il me dit « Mais j'ai peut-être empoisonné des gens avec mes produits. » C'est ça, la vie de paysan. Et il est mort à moins de 50 ans, dans des souffrances atroces. Mais moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que je ne veux pas que quelqu'un vive comme moi. Je ne veux pas que des gens meurent comme Yannick Chenet. Voilà. Mais il faut bon sang de bois. S'il y a, allez, 10 agriculteurs en écoutant votre reportage qui se disent « Ouais, ben il a peut-être raison quand même. Hein. » C'est vrai qu'on peut pas continuer comme ça. Et combien serons-nous demain malades à cause des pesticides ? If I don't know what I'm doing. All my big ideas fail. Like building a dam against the water so the river dies. The veins. Earth's blood. If I don't know what I'm saying, and all the world's dreams come true, like finding oil and sugar rising in the ground, the veins. Vous écoutez France Inter, affaires sensibles aujourd'hui, les pesticides et leurs victimes. Notre invitée, Émilie Gaillard, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez très bien, c'est parfait, je dis ça car vous êtes dans les studios de France Bleu Basse Normandie, à Caen, c'est bien cela ? C'est bien ça. Et vous êtes enseignante en droit privé à Sciences Po, à Rennes, c'est cela aussi? Sciences Po Rennes, il y a un campus à Caen qui est spécialisé dans le développement durable. Voilà, d'où votre présence à Caen. Vous êtes l'auteur notamment de l'ouvrage « Génération future et droit privé vers un droit des générations futures », c'est le titre exact. Et depuis la diffusion de cette émission, je le rappelle, en mars 2017, il y a eu plusieurs décisions judiciaires et législatives, en Europe comme ailleurs. Tout l'intérêt de cet entretien avec vous, Émilie Gaillard, c'est de faire un point d'étape. Commençons par dire que Monsanto a été racheté par le groupe pharmaceutique allemand Bayer. Qu'est-ce que cette union entre un géant des biotechnologies agricoles et un géant pharmaceutique nous dit sur notre époque? Parce que si ces produits rendent malades, on a là un conflit d'intérêts structurel accepté dans une entreprise. Alors, en fait, il faut bien remettre en perspective par rapport au droit de la concurrence. Et en tout cas, au niveau européen, on accepte cette fusion. Pourquoi ? Parce que le droit en question va analyser le marché pertinent. Et en fait, les deux marchés pertinents sont clairement distincts. Il y en a un qui est dans le domaine des pesticides et l'autre dans le domaine des médicaments. Alors, si vous regardez ça de manière tout à fait segmentée, vous dites que le marché pertinent ne va pas être perturbé par cette fusion. Or, tout un chacun, dont vous le premier et les personnes qui nous écoutent, se rendent bien compte qu'il y en a un qui est au début d'une chaîne et l'autre au bout de chaîne. Et que là, il y a vraiment une carence juridique dans l'analyse de cette fusion qui est la santé environnementale. Elle est quand même porteuse, la santé, elle est porteuse des personnes, du vivant non humain, des sols, de l'air. Et justement, ce qui se joue actuellement autour du glyphosate est absolument fondamental pour la santé publique. Donc elle est bien porteuse d'un conflit d'intérêts moral, en tout cas, pas économique ni légal, puisque c'est accepté. Enfin, c'est quand même tout à fait choquant. En 2016, vous avez été l'une des organisatrices du tribunal citoyen contre Monsanto, qui s'est tenu à la haie et que nous avons évoqué dans le récit. Quelle était l'initiative de cet événement? Comment il s'est construit, cet événement-là? Alors, il faut bien préciser que la personne à l'origine, c'est une personne de la société civile. Et c'est important d'insister sur le fait qu'une personne de la société civile peut être à l'origine d'un événement comme celui-ci. C'est René Lénaire qui est allé voir Marie-Monique Robin et qui lui a dit il faut absolument. Auteur du documentaire Le monde selon Monsanto, il faut le rappeler. Oui, voilà. Il y a René Lénaire, on le voit aussi dans le Roundup face à ses juges. Ah oui. On le voit également, il y a le making-of du tribunal Monsanto qui est disponible en libre accès sur le site internet du tribunal international Monsanto. C'est la première vidéo à laquelle vous avez accès. En fait, il est allé convaincre Marie-Monique Robin et ensuite s'est organisé un comité d'organisation. Et j'ai rejoint ce comité d'organisation avec, pour mon plus grand plaisir, parce que c'était une expérience incroyable, aux côtés de Marie-Monique Robin, de Corinne Lepage, d'Olivier de Schutter, Vandana Shiva et bien d'autres aussi de la société civile que vous ne connaissez pas et qui se sont particulièrement investis dans cette organisation. Alors, quels étaient les objectifs de ce procès? Alors, symbolique, on imagine les objectifs, mais j'aimerais que vous me les reprécisiez, l'état d'esprit dans lequel vous étiez. Voilà. Oui, alors le tribunal international Monsanto, c'est un tribunal citoyen. Il y en a eu d'autres dans le passé, très rapidement. Il y a Russell Sartre pour la guerre du Vietnam et bien d'autres. Et ensuite, ça s'est transformé en tribunal permanent des peuples. Un tribunal citoyen, c'est un tribunal qui a vocation à alerter l'opinion publique sur un problème de société qui est important aux yeux de la société civile. Là, ce n'est pas un tribunal dans le sens où, donc on a dû se poser la question entre nous dans le comité d'organisation, est-ce qu'on va condamner Monsanto à une peine pénale, etc. Ça n'avait aucun sens en soi. Par contre, qu'est-ce qui serait pertinent? Ce qui serait pertinent, c'est de donner des outils juridiques à la société civile pour s'organiser à travers le monde. Et donc, on a organisé un tribunal sous forme d'avis consultatif, donc sans tomber dans la technicité juridique, c'est une procédure qui existe devant la Cour internationale de justice notamment. Pour faire simple, c'est comme si vous posez une question juridique à des juges de haut niveau et vous leur demandez une sorte de rédaction d'un argumentaire juridique. Et c'est ce qu'on a fait sur 6 questions. Et donc les objectifs, ils sont au nombre de 6. On a posé des questions concernant à savoir est-ce que les activités de Monsanto portent atteinte, pour faire très simple, au droit à un environnement sain, au droit à l'alimentation, au droit à la santé, à la liberté indispensable à la recherche scientifique. Est-ce que en fournissant l'argent orange, on peut le déclarer coupable de complicité de crimes de guerre et d'agent orange, pour avoir fourni l'agent orange. Oui. Et la 6e question, qui était la question la plus audacieuse et qui, je pense, fera date dans ce tribunal citoyen, c'est la question de l'écocide. Est-ce que, au final, quand on voit tous les effets systémiques d'atteinte aux vivants humains, aux vivants non humains, les effets, comme vous l'avez dit dans votre reportage, les naissances avec des malformations congénitales, pareil également constaté sur des animaux. Et quand vous voyez les résidus, nous avons tous dans nos urines des résidus de glyphosate. Est-ce que, donc, au vu de cette pollution majeure, systémique et globale, est-ce que les activités de Monsanto pourraient relever d'une nouvelle qualification juridique qui serait la qualification d'écocide, crime majeur à l'environnement et à tout ce qui est nécessaire pour supporter la vie? Et alors, donc, voilà les objectifs. Pardon de vous couper. Oui. Non seulement d'alerter la société civile, les gouvernants, le public, et de donner une vue d'ensemble des différentes atteintes. Bien, l'écocide. Parlez-moi de l'écocide, c'est intéressant quand même. On voit d'ailleurs dans l'étymologie, avec le suffixe et le préfixe, de quoi il s'agit. Mais dites-moi plus précisément. Donc l'écocide, l'atteinte à notre maison, hein, l'atteinte à la maison terre, en fait c'est un terme qui a été plusieurs fois utilisé par le passé, déjà en 1972 dans le discours d'ouverture de la conférence des Nations Unies sur l'environnement par le premier ministre suédois qui disait de la guerre du Vietnam qu'elle avait constitué un écocide. Alors ce qui est intéressant c'est aussi de conscientiser le fait qu'on est dans une période de transition, parce que lorsque vous regardez les actes comme je les ai étudiés du tribunal Russell Sart sur le Vietnam, il n'y a rien de dit sur les atteintes environnementales. Il faut attendre les années 70-80 pour qu'il y ait cette conscience environnementale. Et l'écocide, en fait, il faut bien comprendre qu'à crime nouveau, il faut un concept nouveau. Et donc, lorsqu'il y a une atteinte systémique globale et à ce point, qui est transgénérationnelle, je le rappelle, causée à l'environnement, à la santé environnementale du vivant humain et non humain, on a besoin d'une nouvelle enveloppe juridique et l'écocide. Alors, c'est porté par de nombreux universitaires, c'est porté également par plusieurs ONG, dont End Ecocide on Earth. Il y a Polly Higgins en Angleterre qui porte ce concept-là. Beaucoup de voix s'élèvent là-dessus. Il y a Valérie Cabanne qui a fait un énorme travail aussi de vulgarisation et pour porter ce message de reconnaissance du crime d'écocide. Et donc en fait, il devait même être à l'origine inscrit dans les statuts de la Cour pénale internationale. Et pour une raison que l'on ne sait pas, dans une nuit, ça a été effacé par la personne qui avait en charge la négociation de ces textes, alors qu'il n'avait pas le droit de l'effacer. Mais il faut comprendre que ce concept, on l'appelle à corps et à cri, que le tribunal international Monsanto a été l'occasion non seulement de donner à voir la réalité et la pertinence de ce concept juridique dont on a absolument besoin. Émile Gaillard, ce procès à La Haye mettait également en lumière que la lutte contre Monsanto, contre les pesticides, contre le glyphosate, pour un droit de protection aux générations futures, parce que l'enjeu là aussi, sont des causes internationales. Il y a plusieurs personnes venues du monde entier qui ont témoigné pendant ce procès, notamment Paul François. Et partout, des collectifs, des associations, des avocats, des victimes s'organisent pour faire condamner Monsanto et changer la législation du pays. Alors pour illustrer cette idée, on va écouter une archive ensemble, extrait du documentaire de Marie-Monique Robin, le Roundup face à ses juges, qui est toujours disponible, ce documentaire, sur le site d'Arte. Et là, il s'agit du témoignage d'un ouvrier argentin dont on va reparler, Fabian Tomasi. Je travaillais comme ouvrier agricole. Je remplissais les réservoirs des avions qui pulvérisaient les champs cultivés. On utilisait toutes sortes de poisons agricoles, mais surtout du glyphosate. Je suis dans cet état à cause des pesticides. Je souffre d'une polyneuropathie toxique sévère. Est-ce que quelqu'un de la maison a eu une tumeur ou un cancer au cours des 15 dernières années? Mon frère aîné est décédé il y a un peu moins de 2 ans d'un cancer du foie. Je suis convaincu que c'est la même cause que moi. C'est un génocide silencieux dont je ne veux plus être complice. Et je parlerai jusqu'à mon dernier souffle. Ici, je suis un paria et le seul qui ose parler de ce problème. Ici, je n'existe pas, car j'ai essayé d'arrêter le massacre que causent les nouvelles technologies agricoles. Alors, je dois préciser que sur ces images, ce que, par définition, la radio ne peut pas montrer, Fabian Tomasi tremble, il a le visage creusé, le corps amaigri, et il est mort, finalement, le 7 septembre dernier, il n'avait que 53 ans. Alors, il dit deux choses cruciales. Il parle, lui, d'un génocide silencieux, et puis du statut de paria, parce qu'il a parlé, justement. Est-ce encore tabou de lutter contre les pesticides dans des pays comme l'Argentine, qui, je le rappelle, est le premier exportateur mondial de soja? faut beaucoup de courage. Je connais très bien l'équipe argentine avec le médecin Damien Vertzenazzi, l'avocat Juan Ignacio Pereira qui était là, d'autres avocates comme Vicky, qui et tous travaillent énormément. Alors, ils font l'objet de grosses pressions là-bas. Oui, il faut du courage, parce qu'en Argentine, tout simplement, tout est organisé autour de cette agriculture, de ce modèle d'agriculture intensif. Des voix s'élèvent là-bas pour prôner la transition vers l'agroécologie. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a du travail pour l'Argentine. Comme le Brésil, il y a du travail pour l'Argentine en reconversion, comme le Brésil d'ailleurs. Il y a l'un des exemples de champs le plus important d'agroécologie cité par les Nations Unies, par la FAO, qui est situé en Argentine. Il y a une organisation, la RENAMA, qui a vocation à accompagner cette transition. Mais ils ont tout apporté là-dessus. Là-bas, il y a donc Damien Vertzenazzi qui était venu au tribunal international Monsanto a donné à voir la génotoxicité et les maladies qui sont causées aux Argentins qui font l'objet d'épandages aériens de pesticides. Les enfants courent dans les champs de maïs. On le voit très bien dans le film Le Roundup face à ses juges de Marie-Monique Romain. On voit après les jambes des enfants qui sont complètement attaquées par ces produits. Les enfants sont à l'école et ils sont intoxiqués. Donc ça, c'est la réalité qu'il y a lieu aujourd'hui en Argentine. Et en fait, dans ce tribunal Monsanto, on a donné à voir ce type d'exemple topique, à la fois en Amérique latine, mais sur les cinq continents, en Australie, au Sri Lanka, en Afrique, au Burkina Faso, en Europe aussi, pour donner à voir au bout de deux jours l'étendue de ces méfaits, en fait, et des victimes de ces produits. Alors, cet été, tout de même, une nouvelle inattendue et cruciale est venue des États-Unis. Monsanto a été reconnu coupable de défaut d'information sur la dangerosité de son herbicide. Et c'est Dwayne Johnson, un jardinier de 46 ans, qui a poursuivi la société. En 2014, on lui a diagnostiqué un lymphome, cancer du système lymphatique. Il vaporisait, lui, des centaines de litres de Roundup et de Ranger Pro, des désherbants de Monsanto contenant du glyphosate. Quelles sont les conclusions de ce procès ? Alors, les conclusions de ce procès, alors, faut rappeler que il y a un appel, donc ce n'est pas une décision de justice définitive et que donc dans cette procédure-là, qui a été un peu hâtée parce que ce monsieur dans le droit californien, comme ce monsieur, on lui donne entre 2 et 4 ans, plutôt 2 ans à vivre, il fallait absolument que le jugement se tienne lieu de son vivant. Alors, il est victime d'un lymphome non-Hodgkinien qui est reconnu par des centaines d'études en lien de causalité avec une exposition au glyphosate. C'est un cancer du système lymphatique qui est très particulier. Et donc cette affaire, elle est historique parce qu'elle a donné à voir un lien de causalité. On a déjà eu par ailleurs, qui ont déjà été reconnus, notamment, je vous rappelle qu'en 2015, le CIRC, qui est une émanation de l'OMS, a reconnu que le glyphosate était un produit cancérigène probable pour l'être humain. Donc ce défaut d'information, il est clair, il est net, il est établi. Ce que va essayer de faire Monsanto, c'est de mettre, je pense, beaucoup de défense sur cette affaire, parce que à l'époque de cette réussite, donc cet été, on en était à 4000 affaires avant le verdict de Dwayne Johnson. Depuis, on est monté, me dit Arnaud Apothécaire, qui était le coordinateur du tribunal Monsanto, à 8700 cas à présent aux États-Unis. Donc, on sait que l'action chute également. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se joue à l'heure actuelle autour de ce procès. Et ça peut se polémiser, ça, si j'ose dire. Ça peut faire tache d'huile, on va dire. En France et dans d'autres pays, ces décisions prises par la justice américaine. Oui, tout à fait, mais c'était tout à fait l'objectif, je reviens aussi encore à votre précédente question, du tribunal international Monsanto. L'avis consultatif, il était double, non seulement donner les arguments juridiques, mais aussi en faisant venir toutes ces victimes de toute la planète, c'était de donner à voir comment elles avaient toutes les mêmes difficultés, et elles se rendaient compte qu'il y avait des similitudes sur le vivant non humain, sur le vivant humain. Donc c'était tout l'objectif de ce tribunal Monsanto. Et donc il y a un effet boule de neige, si je peux revenir sur les synchronicités ou en tout cas les heureux hasards de ce tribunal. Juste avant que le tribunal ait lieu, la procureure de la Cour pénale internationale qui publie un document interne de politique pénale générale qui dit voilà, maintenant, on va poursuivre au titre du crime contre l'humanité les atteintes majeures à l'environnement. C'était typiquement notre question numéro 6. Elle le dit un mois avant la tenue des audiences. Juste avant le rendu de l'avis consultatif en avril 2017, éclate en mars 2017 les Monsanto Papers. Et dans les Monsanto Papers, on voit confirmé dans des documents internes de Monsanto ce qui a été dit au tribunal Monsanto, notamment par Nicolas Defarge, à savoir des intimidations et par rapport aux études scientifiques menées par l'équipe ici à Caen, que je connais très bien, de Gilles-Éric Séralini. Je vous rappelle qu'ils avaient publié juste un article dans une revue internationale qui a été retiré. Et dans les Monsanto Papers, je vous renvoie à un article de Stéphane Foucard publié dans Le Monde, $50,000 ont été versés pour faire retirer cette étude. Donc en fait, il y a eu une sorte d'effet boule de neige et cette affaire Dwayne Johnson en fait partie. Alors, l'avocat de Dwayne Johnson, Timothy Lichtenberg, était à La Haye avec la première victime, en fait, de ce type de dossier-là, parce que c'est une action collective. Ils oui. étaient 4000, je vous dis maintenant 8007. Et donc, il était venu avec Christine Shepard. Là, c'est l'affaire de Dwayne Johnson qui a été médiatisée, comme je vous le dis, parce que son affaire a dû être hâtée compte tenu de son état de santé. Il y a plein d'autres affaires comme ça, le Vietnam immédiatement... Alors tenez, pardon, on va pas faire toute la liste, parce que ça va être long, effectivement, il y a plein d'affaires comme ça, comme vous le dites, et à l'époque, Nicolas Hulot, qui était encore ministre de l'écologie, avait déclaré que c'était le début d'une guerre contre les pesticides, et puis plus tard, lors de la matinale de France Inter, là où se passent les événements de l'information, eh bien juste avant d'annoncer sa démission, il déclarait... Nous faisons des petits pas. Et la France en fait beaucoup plus que d'autres pays. Mais est-ce que les petits pas suffisent à endiguer, inverser et même à s'adapter parce que nous avons basculé dans la tragédie climatique? Eh bien, la réponse, elle est non. La question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation d'arrêter l'artificialisation des sols? La réponse est non. Voilà, donc Nicolas Hulot dénonce la politique des petits pas. Une politique des petits pas quand il y a urgence, ben évidemment, c'est pas l'idéal. La France et l'Union Européenne se sont-elles donné vraiment les moyens de lutter contre les dangers du glyphosate, par exemple? Bien, écoutez, je crois que ce soir à 18h, il y a un rassemblement devant l'Assemblée nationale précisément pour appeler les députés à voter l'amendement bateau pour justement mettre fin au glyphosate. Donc l'enjeu, il est d'une actualité brûlante. C'est pour ça qu'on fait cette émission aussi, aujourd'hui. Comment ? C'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui. Ça se joue maintenant. On est plusieurs à être déçus, mais il faut toujours aller de l'avant. Ouais. Et je pense que les décisions se jouent maintenant. Donc c'est l'objet justement de cette... démocratisation du savoir sur les dangers du glyphosate, à mon sens, non. À mon sens, non, il faut aller encore de l'avant. Et je pense qu'il y a quand même, enfin, il le dit aussi dans cet entretien Nicolas Hulot, par rapport au glyphosate, il y avait vraiment un alignement des étoiles, enfin, j'aime pas trop cette expression, mais pour dire, en fait, c'est un moment clé et on a tout en main maintenant pour basculer vers l'interdiction de ce produit. Alors, sauf qu'il y a aussi les lobbies puissants, et Nicolas Hulot dénonçait justement les lobbies, dénonçait aussi la présence lors d'une réunion ministérielle d'un lobbyiste. Là aussi, Monsanto est surpuissante, hein, c'est un trust énorme, lobby énorme aussi. Oui, bien sûr. Moi, ce que j'ai constaté lors du tribunal international Monsanto, c'est que quel que soit votre statut, que vous soyez un simple apiculteur maya au Mexique, un simple agriculteur, ou que vous soyez un scientifique de renommée internationale, ou encore une personne comme Shiv Chopra qui avait un haut poste dans une agence de protection de la santé, il y a des procédés systématiques de harcèlement moral. Vous voyez bien avec Paul François, c'est ce qu'il a dit, il y a une sorte de stratégie d'usure, mais il y a aussi une stratégie, une stratégie de harcèlement moral systématique sur quel que soit votre statut. Et des groupes de pression, notamment. Oui, des à groupes Bruxelles. De pression. Exactement. C'est important. Toute dernière chose rapidement, pourrait y avoir un levier pour que les choses changent, si ce levier était d'accord, ce serait les syndicats d'agriculteurs. Les grands syndicats de l'agriculture, et notamment notre grand syndicat de l'agriculture, est-ce qu'on peut compter sur lui? Alors écoutez, il faudrait lancer un appel, hein. En tout cas, jusqu'à présent, on a l'impression que vous parlez de la FNSEA. Oui, mais exactement, vous venez de dire, oui, FNSEA, absolument. Il a plutôt prôné l'agriculture intensive. Après, oui. il faut réformer déjà l'éducation, hein, au niveau des lycées agricoles pour l'agroécologie. Il faut ça passe par là développer aussi, l'ingénierie respectueuse de l'environnement. Et donc, réussir à ce que des grands syndicats comme la FNSEA comprennent aussi et prennent à bras le corps cet intérêt public général, non seulement des agriculteurs, mais de l'ensemble de la population. Ça sera le mot de la fin. Ça passe vite, hein, Émilie Gaillard, quand on a beaucoup de choses à dire. Mais c'est déjà la fin. Je vous remercie en tout cas. Je au revoir. Je vous remercie. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Monsanto, le péril des pesticides, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Puisque nous sommes jeudi, merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Jean Bulot, Guillaume Malandras et Adrien Cara. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barreur. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Jérôme Boulet. Et Coyenne Guyenne. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman.